Chapitre 33e. Convaincu que Madame d'Alifard n'accepterait pour belle-fille qu'une femme riche, Juliette n'avait jamais cru sérieusement à son mariage avec Adolphe. Cependant, elle avait supporté que celui-ci l'entretînt de son amour, et jusqu'à un certain point, elle l'avait encouragé. De là était résultée une situation ambiguë. Adolphe considérait Juliette comme engagée envers lui. Juliette ne se considérait pas du tout comme engagée envers Adolphe. Et à vrai dire, l'un et l'autre avaient raison, chacun d'eux se plaçant à un point de vue particulier. « Elle m'écoute, se disait-il. Je ne lui réponds pas, se disait-elle. Ou si je le fais, c'est pour lui démontrer les impossibilités qui s'opposent à ce mariage. » Assurément, en la jugeant d'après la morale pure, elle avait tort d'agir ainsi. Et pour être irréprochable, elle devait, si elle ne voulait pas l'accepter pour mari, elle devait lui fermer la bouche et mieux encore, elle devait éviter sa présence. Mais elles sont rares les femmes et les jeunes filles qui se refusent à écouter des paroles d'amour. Quel danger est à craindre lorsque le cœur n'est pas le complice de l'oreille? Il y a dans la voix de celui qui aime une musique qu'on trouve toujours douce à entendre. Deux yeux alanguis par la tendresse ou allumés par la passion ne sont pas désagréables à regarder. Il ne lui déplaisait point de voir l'émotion d'Adolphe lorsqu'elle arrivait à Nogent, et même elle avait plaisir, par un serrement de main, par un sourire, par une fleur offerte, de le rendre heureux. À quoi bon refuser à ce pauvre garçon qu'il aimait des joies qu'elle pouvait lui donner sans engager son cœur? Parfois même elle se reprochait de ne pas aller jusqu'à cet engagement. Pourquoi ne l'aimerait-elle pas? Il était jeune, beau garçon, il avait de la bonté, de la générosité. Où trouverait-il un meilleur mari? Pourquoi n'accepterait-elle pas la position brillante qu'il lui offrait? Si la richesse n'est pas tout en ce monde, elle a cependant une valeur qu'il niait de vouloir contester. Elle serait riche, toutes les satisfactions que le monde envie, elle pourrait se les donner. Sa mère serait heureuse. Mais alors quelque chose en elle se révoltait. Avait-elle perdu toute fierté de vouloir faire un mariage d'argent? Et c'était bien un mariage d'argent qu'elle allait faire, puisqu'elle n'aimait pas Adolphe. C'était pour la fortune qu'elle abandonnait la peinture, c'était pour de l'argent qu'elle se livrait. Assurément, elle n'eût pas épousé Adolphe s'il avait été pauvre. Comment était-elle assez basse pour l'accepter par cette seule raison qu'il était riche? Qu'était la vie du mariage, du ménage? La vie bourgeoise avec les niaiseries et les petitesses que le monde impose? Par le travail, par le milieu dans lequel elle s'était trouvée jetée, elle avait pu se placer au-dessus de ses petitesses, et maintenant, elle allait les subir sans y être impérieusement contrainte. Elle ferait des visites, elle bavarderait sur des sujets insignifiants, sur la toilette de celle-ci, sur les amants de celle-là, sur le sermon du prédicateur à la mode. Son ambition serait d'avoir un jour bien suivi sa gloire de porter une toilette aux courses de Longchamp qui fut remarquée. Toute sa vie se passerait dans ces grandes choses qui l'useraient si elle ne l'emplissait pas. Plaisir de l'esprit, joie du cœur, c'en était fait pour jamais. Et s'il l'aimait un jour, si l'amour la prenait, la domptait, que ferait-elle? Il faudrait fermer les yeux à la lumière et détourner les lèvres de la coupe, elle serait mariée. Pour n'avoir point aimé jusque-là, elle n'en avait pas moins fait des rêves d'amour qui l'avaient promenée dans un paradis d'autant plus beau que c'était pour elle celui de l'imagination, celui de la fantaisie, celui de la poésie, et non celui de la réalité. Si elle se mariait, il fallait renoncer à le visiter jamais, ce paradis enchanté, et couper les ailes à son âme pour marcher prosaïquement dans le pays des mines d'argent. Alors, le souvenir de ses rêveries lui revenait, et aussi celui des enthousiasmes de sa 20e année mêlés à ses lectures. Ce qui remplit une âme, hélas, tu peux m'en croire, ce n'est pas un peu d'or, ni même un peu de gloire, poussière que l'orgueil rapporte des combats, ni l'ambition folle occupée aux chimères qui ronge tristement les écorces amères des choses d'ici-bas. Non, il lui faut, vois-tu, l'hymen de deux pensées, les soupirs étouffés, les mains longtemps pressées, le baiser, parfum pur, enivrante liqueur, et tout ce qu'un regard dans un regard peut lire, et toutes les chansons de cette douce lyre qu'on appelle le cœur. Si, pendant longtemps, elle avait été partagée entre ces deux alternatives, qui quelquefois lui faisaient admettre l'idée d'un mariage avec Adolphe, et plus souvent la lui faisaient repousser, Elle fut encore bien plus péniblement agitée lorsqu'après le départ de Madame Dalifard, il lui fallut entrer en discussion avec sa mère. Tel que Madame Nélis plaida la cause de la famille et fit valoir les droits maternels outragés en sa personne, elle trouva à répondre. Mais il vint un moment où Madame Nélis, après avoir épuisé tous les lieux communs de la morale publique, tomba dans des généralités, dans la personnalité, et alors il fut plus difficile, ou tout au moins plus douloureux pour Juliette, de se défendre. « Que tu aies cru pouvoir te mettre au-dessus des usages traditionnels, » dit Madame Nélis, « je le comprends. C'est une conséquence des habitudes de liberté que j'ai eu la faiblesse de te laisser prendre. Je suis puni par où j'ai péché. C'est ma faute, je ne dis rien. Je n'ai pas la lâcheté de me plaindre quand je suis coupable. Si j'avais mieux tenu à mes droits de mère, tu aurais mieux observé tes devoirs de fille. C'est logique. Mais que tu n'aies pas pensé à moi, voilà ce que je ne peux pas admettre. Car si tu as quelquefois l'esprit mauvais, tu as toujours le cœur bon. Je te rends cette justice. En quoi devais-je penser à toi? Comment? En quoi? Voilà une curieuse question. Crois-tu que cette vie d'artiste qui te convient à toi soit digne de mes habitudes et de mes principes? Tu travailles, cela te plaît, c'est parfait. Mais moi, cela m'humilie. Ma fille, travailler, j'en suis rouge de honte. Et puis où cela nous conduit-il, ce travail? À vivre mesquinement, misérablement, dans ce cinquième étage, bon tout au plus pour des ouvrières. Après tout, n'en sommes-nous pas? Tu sais bien que ce que tu dis là n'est pas juste. Ah oui, tu es une artiste. Eh bien, artiste ou ouvrière, qu'importe. Tu travailles de tes mains, n'est-ce pas? Tu prétends que ce travail te donnera la gloire et la fortune, c'est possible. Je ne veux pas te décourager. Mais dans combien de temps? Je vieillis tous les jours et vite. Ce qui n'est pas étonnant avec notre genre de vie. Manques-tu de quelque chose? Sans doute, j'ai à manger tous les jours. J'ai un lit pour dormir et j'ai une robe pour me vêtir, mais après? Est-ce la vivre pour une femme comme moi? Chez mon père, notre table était servie avec des fleurs. Chaque jour, avant de sortir en voiture, j'avais le plaisir de ne pouvoir me décider entre 10 toilettes. Quand j'étais marié, ça a été la même chose. On ne passe pas facilement de ses habitudes à une vie de privation et de misère. Si par ton travail tu pourvois à nos grossiers besoins de chaque jour, à ce qu'on peut appeler la vie animale, ce travail ne peut pas me rendre les satisfactions qui étaient l'existence même pour moi, les visites, les soirées, les promenades en voiture, en un mot, le monde. Tout à coup, la Providence qui, après nous avoir si rudement éprouvés, nous devait une compensation, nous offre ses satisfactions. Tu n'as qu'à dire oui pour me les rendre, et c'est non que tu dis. As-tu agi en fille qui aime sa mère? Tu agis en artiste, en fille libre. Mais tu n'as donc pas pensé, pauvre enfant, que je peux te perdre? Alors, que deviendrai-je? Il me faudrait travailler. Mais je ne sais pas travailler, moi. Juliette ne pouvait rien répondre aux plaintes de cet égoïsme féroce dans sa naïveté, car elle savait que sa mère était de bonne foi, et que toutes les raisons du monde ne la persuaderaient pas qu'elle n'était pas la plus malheureuse des femmes. Et de fait, ne l'était-elle pas réellement, puisqu'elle s'imaginait l'être? Il était certain qu'elle devait cruellement souffrir de voir manquer ce mariage qui eût rendu à sa vieillesse les plaisirs de sa jeunesse. Elle avait raison d'ailleurs, quand elle demandait si la richesse gagnée par la peinture arriverait jamais, et raison encore quand elle s'inquiétait de la possibilité de rester seule. Que ferait-elle alors? Que deviendrait-elle? Ce serait pour elle la mort dans la misère. Après l'assaut donné par la mère, vint celui donné par Adolphe. Il arriva, haletant d'anxiété. Que s'était-il passé? Sa mère n'avait voulu rien lui dire, si ce n'est qu'elle avait vu Juliette et que celle-ci avait une communication à lui faire. Il n'avait pas perdu son temps à insister, mais prenant son chapeau, il était accouru. Que vous a dit ma mère? Que lui avez-vous répondu? Si elle vous a fâché, soyez indulgente pour elle. Ce n'est pas à moi d'être indulgente pour elle, c'est à vous d'être indulgent pour moi. Elle lui raconta alors comment Madame Dalifard était venue lui demander de fixer elle-même le jour de leur mariage. « Ah, bonne mère, s'écria-t-il, c'est donc là ce qu'elle m'a caché. C'était pour que vous me l'appreniez vous-même, chère Juliette. Vous voyez comme elle est bonne. » Et pourtant elle a résisté à ce mariage. mais quand elle a vu que ma vie en dépendait, elle a cédé. Vous verrez quel trésor de générosité il y a en elle. Vous l'aimerez, n'est-ce pas? C'est la première prière que j'adresse à ma chère femme. » Et se mettant à genoux devant elle, il lui prit les deux mains qu'elle abandonna. Cependant, il fallait parler. Il fallait briser ses illusions. Le malheureux, comme il allait souffrir. À cette pensée, elle fut prise d'une profonde pitié. Mais elle se roidit contre son émotion et, en détournant les yeux, cherchant les paroles les plus douces qu'elle put trouver, elle lui rapporta la réponse qu'elle avait faite aux propositions de sa mère. Il l'avait écoutée en la regardant, devinant ses paroles quand elles arrivaient sur ses lèvres. Au dernier mot qu'elle prononça, il abandonna ses mains qu'il tenait dans les siennes. Alors, elle releva les yeux sur lui. Il était si pâle et si tremblant qu'elle fut effrayée. « Vous, Juliette ? » s'écria-t-il. « Est-ce vous que je jugeais la plus fière et la plus loyale des femmes ?»« J'ai parlé avec sincérité, » dit-elle en balbutiant. « Avec ma mère peut-être, mais avec moi avez-vous agi sincèrement et loyalement ?»« Je vous ai dit que je ne voulais pas me marier. »« Peut-être, mais vos actes étaient-ils conformes à vos paroles ? » ?»« Avez-vous permis que je vous entretienne de mon amour ? » ?»« M'avez-vous toléré près de vous ? » ?»« Avez-vous jamais montré que mon amour vous blessait ? » Que ma présence vous était gênante ou désagréable? Elle ne me l'était point. Mais je ne peux pas croire pourtant que ma tendresse et ma passion n'étaient pour vous qu'un divertissement et qu'un jeu. Cela serait d'une coquette et non de la jeune fille honnête et loyale que j'adore. Vous savez bien que je ne suis pas une coquette. Aussi je vous dis qu'il est impossible qu'après m'avoir permis l'espérance pendant des mois et des années, qu'après m'avoir encouragé à tout faire pour vous obtenir, vous veniez me briser le cœur aujourd'hui et me dire « Je ne veux pas me marier. » Vous savez que ma vie est dans cet amour. C'était quand vous l'avez deviné qu'il fallait le décourager. Écoutez-moi, écoutez ma prière et aussi la voix de votre honnêteté. Si vous me dites que vous ne voulez pas être ma femme, je vais partir sans une plainte et sans un reproche, et vous ne me reverrez jamais. Aurez-vous ce courage? C'est à votre conscience que je fais appel. » Elle resta pendant plus de 5 minutes silencieuse, les yeux baissés. Enfin, elle lui tendit la main. « Qu'il soit fait selon votre désir, » dit-elle. « Je serai votre femme, puisqu'il paraît que je dois l'être. »